Okay, today we are going to talk about ninth and last factor leading to the development of the controlling faculties. Aujourd'hui, nous allons parler de la neuvième et dernière cause de renforcement des facultés de contrôle. Il s'agit de la qualité d'esprit qui va vous permettre de poursuivre votre cheminement sans faire de détours, sans abandonner. Quel est notre objectif lorsque nous pratiquons la méditation? Pourquoi nous soumettons-nous à ce triple entraînement de sila, de samadhi et de panya? Il est important de savoir dans quel but on pratique la méditation. Et il est encore plus important d'être très honnête avec soi-même, de façon à pouvoir se rendre compte dans quelle mesure nous nous engageons dans la pratique. Commençons par réfléchir à sila. Nous nous trouvons actuellement nés dans cette planète en tant qu'êtres humains. C'est une occasion extraordinaire. Nous devons le comprendre que cette existence tout à fait exceptionnelle est le résultat d'actions positives que nous avons faites dans le passé. Nous devrions donc nous efforcer de nous montrer à la hauteur de ce très haut potentiel d'humanité que nous détenons. Les connotations positives du mot « humanité » sont « compassion, amour bienveillant ». Ne faudrait-il pas que tous les êtres humains qui vivent sur cette planète essayent de mener ces qualités à leur perfection? Si on est capable de cultiver un esprit de compassion et d'amour bienveillant, il sera facile de vivre de façon harmonieuse et positive. La moralité s'enracine dans la considération pour les autres et pour soi-même. On se comporte de façon morale, non seulement pour ne pas faire de tort à autrui, mais également pour protéger son propre futur. Nous devrions éviter les actions qui mènent à des conséquences défavorables. Nous devrions cultiver la ligne de conduite positive, celle qui va nous libérer à tout jamais des états de misère. Le karma est notre seule véritable possession. Ce serait très utile de prendre cette certitude comme base dans la vie. Que le karma soit bon ou mauvais, il nous suit dans cette vie et dans la suivante. Si nous faisons des actions positives, harmonieuses, nous serons estimés dans cette vie même. Les personnes sages feront notre éloge et auront de l'affection pour nous. Nous serons également certains d'avoir créé les conditions positives pour les vies futures, et cela jusqu'à ce que nous ayons atteint le Nibbana définitif. Par contre, si nous faisons des actions négatives, mauvaises, cela va nous amener le déshonneur et le blâme dans cette vie même. Les personnes sages nous critiqueront et nous mépriseront. Dans le futur également, nous ne pourrons pas échapper aux conséquences négatives de ces actions. Le karma peut être comparé à la nourriture, car comme la nourriture, il est capable d'amener des résultats bons ou mauvais. Il y a certains aliments qui sont sains et qui peuvent être mangés sans danger, alors qu'il y en a d'autres qui sont un poison pour le corps. Si nous savons faire la différence entre ces types d'aliments, que nous reconnaissons ceux qui sont bons, que nous les mangeons au bon moment, en quantité correcte, nous pourrons bénéficier de la santé et de la longévité. Par contre, si nous sommes attirés par des aliments qui sont malsains, qui sont des poisons, nous devrons en subir les conséquences. Nous pourrions tomber malades et souffrir beaucoup. Il est même possible qu'on en meure. La pratique de dana, la générosité, va diminuer l'avidité qui est toujours susceptible de se manifester dans notre cœur. Les cinq préceptes moraux de base aident la personne qui les observe à contrôler ses émotions à un niveau grossier. Il va pouvoir contrôler son avidité et sa colère. Le fait d'observer les préceptes va permettre donc de contrôler l'esprit de façon à ce que aucune action négative, grossière, ne puisse se manifester par le corps ou même par la parole, étant donné que l'esprit est contrôlé. Si vous pouvez maintenir vos préceptes moraux purs, vous pourriez apparaître de l'extérieur comme une personne très sanctifiée. Mais à l'intérieur, il est possible que vous soyez encore toujours torturé par des explosions d'impatience, de colère, d'avidité. C'est pourquoi l'étape suivante, c'est bhavana. Ce mot pali veut dire cultiver des qualités mentales exceptionnelles. Un aspect de bhavana, c'est d'éviter de laisser pénétrer en soi des états d'esprit négatifs. Un autre aspect de bhavana, c'est de développer la sagesse, ce qui est possible en l'absence de ces états négatifs. La méditation de la concentration, samatha bhavana, a le pouvoir de calmer l'esprit, de le tranquilliser et de le protéger contre les kilesas. Cette pratique élimine les kilesas, rend impossible leur apparition dans l'esprit. La pratique de samatha bhavana n'est pas unique au bouddhisme. On la retrouve dans beaucoup d'autres religions et particulièrement dans l'hindouisme. C'est une pratique qui est très recommandée et qui va permettre à celui qui l'adopte de purifier son esprit pendant la durée de la méditation, tant que son esprit sera absorbé dans l'objet de méditation. Ce méditant va expérimenter un bonheur profond et une grande tranquillité. Il est même possible d'obtenir les pouvoirs psychiques par cette méditation. Mais la pratique de la méditation samatha, même si elle est réussie, ne permet pas à celui qui l'adopte d'obtenir la vision pénétrante de la véritable nature de l'esprit et de la matière. Les kilesas ont été éliminés de l'esprit, mais n'ont pas été déracinés. L'esprit n'a donc pas encore pénétré la véritable nature de la réalité. Le pratiquant samatha ne s'est pas libéré de la prison du samsara. Il est même possible que dans le futur, il reprenne naissance dans des plans de misère. Donc, même si la pratique de samatha peut amener beaucoup de bénéfices grâce à la concentration, vous pouvez cependant rester perdant. Après qu'il eut atteint l'illumination suprême, le Bouddha passa 49 jours à Bodh Gaya, bénéficiant de sa libération. Il se mit alors à penser à la façon dont il devrait s'y prendre pour communiquer cette vérité profonde et très subtile qu'il venait de découvrir aux autres êtres. Il regarda l'ensemble des êtres et put voir que, dans le monde, la majorité des êtres étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière, de kilesa. Les êtres erraient dans des ténèbres très profondes, et il se sentit écrasé par sa tâche. Le Bouddha vit alors qu'il y avait cependant deux personnes qui seraient très réceptives à son enseignement, deux personnes dont les esprits étaient très purs et débarrassés des kilesa. C'étaient en fait ses deux anciens professeurs, les ermites Alara le Kalama et Udaka le Ramaputta. Chacun d'eux avait un très grand nombre de disciples, étant donné leur réalisation très élevée dans la concentration. Le Bouddha lui-même avait maîtrisé tous ses enseignements, mais il avait réalisé que ce qu'il cherchait était au-delà de ces réalisations-là. Mais ces deux ermites avaient cependant l'esprit très pur. Alara le Kalama avait maîtrisé le 7e niveau de concentration. Udaka le Ramaputta avait maîtrisé le 8e, autrement dit le dernier niveau de concentration et d'absorption. Les kilesas étaient absents de leur esprit, même lorsqu'ils ne pratiquaient pas vraiment la méditation, qui ne se trouvait pas en absorption. Le Bouddha était certain que ces deux personnes allaient pouvoir atteindre l'illumination parfaite s'ils n'entendaient ne fût-ce que quelques mots du Dhamma. Alors que le Bouddha était en train de réfléchir à tout cela, un déva invisible, un être venant des plans célestes, lui annonça que les deux ermites étaient décédés. Alara le Kalama était mort 7 jours avant. Quant à Udaka le Ramaputta, il était mort la nuit précédente. Tous deux avaient repris naissance dans le monde sans forme des Brahmas, où l'esprit existe mais il n'y a pas de matière. C'est pourquoi les ermites n'avaient plus d'oreilles pour entendre, ils n'avaient plus d'yeux pour voir. Il leur était devenu impossible de voir le Bouddha et d'écouter le Dhamma. Et comme pour pouvoir découvrir la juste pratique, il est indispensable soit de rencontrer un professeur ou d'écouter le Dhamma, les deux ermites avaient perdu toute chance de réaliser l'illumination parfaite. Le Bouddha en fut très ému et il dit « Ils ont perdu une chance énorme ». Donc, qu'est-ce qui manque exactement à la méditation de la concentration? Cette méditation ne peut tout simplement pas amener la compréhension de la vérité. Pour y arriver, il faut obligatoirement la méditation vipassana. Ce n'est que par la vision pénétrante, intuitive de la véritable nature, de l'esprit et de la matière, qu'on peut se libérer du concept de l'ego, de la personne, du je, du soi. Sans cette vision pénétrante qui va automatiquement se produire au cours de la pratique de l'attention pure, il est impossible de se libérer de ces concepts. On ne peut se libérer de l'illusion que les choses se produisent sans cause que par la compréhension intuitive du mécanisme des causes et des effets, c'est-à-dire il faut voir le lien entre l'esprit et la matière. Ce n'est qu'en voyant les rapides apparitions et disparitions de phénomènes qu'on peut se libérer de l'illusion qui fait croire que les choses sont permanentes, solides et continues. Ce n'est qu'en expérimentant la souffrance de la même façon, de façon intuitive, que le méditant peut comprendre en profondeur que l'existence samsarie ne vaut pas la peine qu'on s'y attache. Ce n'est qu'en voyant, en comprenant que l'esprit et la matière n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître selon des lois naturelles, qu'il n'y a personne à l'intérieur de ces choses, qu'il n'y a rien à l'intérieur de ces choses, rien derrière ces choses. Ce n'est donc qu'en voyant cela, en comprenant cela, qu'on comprend qu'il n'y a pas d'atta, pas de substance. Tant que vous n'aurez pas franchi les différents niveaux de compréhension et que vous n'aurez pas réussi à réaliser Nibbana, vous ne pourrez pas comprendre en quoi consiste le véritable bonheur. Si vous vous souvenez que Nibbana est votre but lorsque vous pratiquez la méditation, vous réussirez à maintenir un très haut niveau d'énergie sans vous arrêter, sans capituler, sans battre en retraite, et ceci jusqu'à ce que vous ayez atteint le but final. Vous allez commencer par faire un premier effort qui consiste à établir votre pratique de méditation. Vous focalisez votre esprit sur l'objet primaire et vous y revenez constamment. Vous installez une routine qui consiste à passer de l'assise à la marche. On appelle ce premier type d'énergie l'énergie du démarrage. Elle vous met en route et vous permet de commencer à cheminer sur le chemin. Même s'il y a des difficultés, des obstacles, vous persévérez dans votre effort en surmontant tous ces obstacles. Si vous vous ennuyez, que vous êtes apathique, vous essayez d'aviver votre énergie. Si vous avez des douleurs, vous surmontez l'esprit peureux qui préfère se retirer, qui n'a pas envie de faire face à ce qui se passe. On appelle ce deuxième type d'énergie l'énergie libératrice. C'est celle qui est nécessaire pour vous libérer de l'indolence et de la paresse. Vous ne battrez pas en retraite. Continuerez à pratiquer jusqu'à ce que vous ayez atteint le but. Après cela, vous aurez surmonté les difficultés intermédiaires et vous vous retrouverez peut-être dans un espace agréable et doux. Mais il faudra alors que vous fassiez attention de ne pas vous y complaire. Vous allez devoir passer à la vitesse supérieure, faire plus d'efforts pour encore élever votre esprit. C'est un effort qui ne décroît pas et qui ne stagne pas. Il est toujours en progrès. Ce type d'effort est appelé l'effort progressif. C'est celui qui va vous mener à votre but. Le neuvième facteur de renforcement des facultés de contrôle consiste précisément à appliquer ces trois niveaux d'énergie de façon à ce que vous n'arrêtiez pas votre marche, que vous n'hésitiez pas, que vous ne vous rendiez pas, que vous ne battiez pas en retraite, et ceci jusqu'à ce que vous ayez atteint le but final. Tout au long de votre cheminement, essayez de développer ces neuf qualités de l'esprit telles qu'elles viennent d'être expliquées. Les cinq facultés de contrôle, c'est-à-dire la foi, l'énergie, l'attention, la concentration et la sagesse, vont alors pouvoir se renforcer et devenir puissantes. Finalement, elles vont dominer votre esprit en permanence et vous mener à la libération. J'espère que vous pourrez examiner votre propre pratique. Si vous voyez qu'il y a un manque quelque part, essayez de tirer profit des informations qui viennent de vous être données. Voyons maintenant une à une ces neuf causes, car elles sont très importantes pour la pratique quotidienne de la méditation. La première cause pour le renforcement des facultés de contrôle consiste à diriger son attention vers l'impermanence de tous les objets de la conscience. La deuxième, c'est une attitude de respect et de précision dans la méditation. La troisième, c'est le fait de maintenir la continuité de l'attention. La quatrième, c'est s'assurer la présence d'un environnement qui est favorable à la méditation. La cinquième, c'est se souvenir des circonstances ou de l'attitude que l'on avait lors de méditations fructueuses passées, de façon à pouvoir recréer ces conditions, surtout lorsqu'il y aura des difficultés. La sixième consiste à cultiver les qualités de l'esprit qui mènent à l'illumination. La septième, c'est la décision, la détermination à travailler de façon intensive la méditation. La huitième, c'est la patience et la persévérance face aux sensations douloureuses ou autres obstacles. La neuvième et dernière cause pour le développement des facultés de contrôle, c'est la détermination à poursuivre la pratique jusqu'à ce qu'on ait atteint le but final, la libération. May you all develop the nine causes for sharpening the controlling faculties and reach your desired goal of ultimate wisdom. Sadhu, sadhu, sadhu. Puissiez-vous tous développer ces neuf causes pour le renforcement des facultés de contrôle et atteindre le but que vous souhaitez, la sagesse finale. Sadhu.